les choses étaient différentes, aurais-je pensé la même chose? Et si les causes étaient différentes, est-ce que ça aurait changé ma prose? Si j'étais pas dans le son, qu'aurais-je fait pour générer de la monnaie? Bicrave des sachets toute la journée, comptable ou bien constructeur de ponts. Si l'esclavage n'avait pas eu lieu, est-ce que l'Afrique s'en sortirait mieux? 400 ans d'esclavage, c'est très long. Oui, c'est bien le crime le plus odieux. S'il y avait moins de discriminés, les banlieues ne seraient plus déterminées. Tous les fils d'immigrés seraient plus déterminés, car la société cesserait de les éliminer. Mais avec des si, on peut refaire le monde. Suffit de deux lettres et juste une seconde. Avec des si, on peut refaire le monde. Suffit de deux lettres et juste une seconde. Et si, et si, et si. Et si, et si, et si. Et si, et si, et si. Et si, et si, et si. Je passe mon temps à me demander. Et si je parle de mes rêves et mes doutes dans mes récits. C'est le passé, ce qu'il y a de plus sûr. Le futur lui reste encore des plus indécis. Et si, et si, et si. Et si, et si, et si. Et si, et si, et si. Et si, et si, et si. Je passe mon temps à me demander. Et si je parle de mes rêves et mes doutes dans mes récits. C'est le passé, ce qu'il y a de plus sûr. Le futur lui reste encore des plus indécis. S'il y avait l'égalité homme-femme, est-ce que la galanterie aurait raison d'être? Si vous pouviez tous savoir la date de votre mort, est-ce que vous voudriez la connaître? Si les religions n'existaient pas, est-ce que ça aurait changé toute la donne? On choisir de faire le bien ou le mal, est-ce ancré dans la nature de l'homme? Si j'étais né dans une famille de chéris, est-ce que j'aurais eu un problème d'ego? Si j'étais enfermé si pige à fleuri, dis-moi, est-ce que toi tu serais resté mago? Si j'étais de la même couleur de peau, toi m'aurais-tu laissé prendre la main de ta fille? S'il voulait éviter la crise en Libye, est-ce qu'il fallait vraiment tuer Kadhafi? Mais avec des si, on peut refaire le monde. Suffit de deux lettres et juste une seconde. Avec des si, on peut refaire le monde. Suffit de deux lettres et juste une seconde. Et si, et si, et si. Et si, et si, et si. Et si, et si, et si. Et si, et si, et si. Je passe mon temps à me demander. Et si je parle de mes rêves et mes doutes dans mes récits. C'est le passé, ce qu'il y a de plus sûr. Le futur lui reste encore des plus indécis. Et si, et si, et si. Et si, et si, et si. Et si, et si, et si. Et si, et si, et si. Je passe mon temps à me demander. Et si je parle de mes rêves et mes doutes dans mes récits. C'est le passé, ce qu'il y a de plus sûr. Le futur lui reste encore des plus indécis.